17h-20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. Bienvenue, c'est que du fun jusqu'à 20h sur Fun Radio pour m'accompagner. Comme chaque jour, il est toujours là, il a toujours une casquette. Il travaille toujours pour Smart Toys, c'est David Kaufman. Ça va Kaufman? Ça va et toi? Ça va, en pleine forme. C'est férié aujourd'hui chez Smart Toys? J'ai pas remarqué. Il travaille toujours celui-là avec nous également. Il y a Laurence, salut Laurence. Ça va? En pleine forme? En pleine forme et toi? Ouais, en pleine forme, tranquille. Kaufman, tu t'es baladé toi aujourd'hui, non? Au baladé. Ouais. Ouais, j'ai chassé les Pokémon. Toujours, il chasse toujours. On a une invitée exceptionnelle aujourd'hui, Kaufman. Hein. Ah, ça c'est peu de le dire. Elle est en train de monter. On la passe en boucle sur Fun Radio. Il s'agira de Unique qu'on recevra entre 19h et 20h. Si vous avez envie de poser vos questions, c'est au 3044 que ça va se passer. C'est l'interprète notamment de Monsieur, Monsieur, Monsieur. Ah oui, ça. T'imagines quand on lui apporte un café? Monsieur, monsieur, monsieur. À chaque fois, c'est toute la journée comme ça. Yannick, je t'ai offert un café. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup Yannick. Il y aura également le Sarah Salov dans quelques minutes. Laurence, tu as levé sur quoi? Ben, un couple qui a décidé de construire son petit nid d'amour à lui. Mais c'est vraiment un truc de fou. Ok, Kaufman, toi t'as râlé. Et Lou, moi je parlerai de The Voice. Ah, il arrête pas avec les loups lui. C'est un sacré loup et là il est 17h, c'est l'heure des infos. Fun Radio. Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Hello David, salut à tous. On va commencer par une info qui n'est plus de toute première fraîcheur. Mais bon, il n'y a pas de news au dimanche et je pourrais quand même pas ne pas parler de ce qui est peut-être la plus belle médaille d'or pour la Belgique en athlétisme dans toute l'histoire des JO. Parce que l'heptathlon et le décathlon chez les hommes, c'est quand même les disciplines qui couronnent les athlètes les plus complets, hein, ceux qui sont capables de courir, lancer et sauter au plus haut niveau. Notez que courir, Nafissa Toutiam, c'est pas ce qu'elle fait de mieux, mais qu'est-ce qu'elle saute et qu'est-ce qu'elle lance bien, hein, c'est rien de le dire. La Muroise a donc écrit une très très belle page de l'histoire du sport belge, et comme elle n'a pas encore 22 ans, ben on peut supposer et espérer qu'elle en écrira d'autres. On peut espérer également que d'ici la fin des Jeux Olympiques, d'autres Belges écriront de jolies pages, à commencer par les Red Lions en hockey sur gazon, qualifiés pour les demi-finales, après leur victoire 3-1 face à l'Inde. Et à 18h, j'évoquerai les autres résultats significatifs de la dernière soirée olympique. Comme chaque année, le classement des meilleures universités au monde vient d'être publié. Un classement basé sur plusieurs critères, hein, comme par exemple le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline. Bref, pour la 14e fois d'affilée, c'est la célébrissime université d'Harvard qui arrive en tête. Le podium ainsi que 8 des 10 premières places est squatté par des établissements américains. Et pour ce qui est des Belges, nous avons d'abord Gand à la 62e place et qui en gagne 9 par rapport à l'année passée. La KUL est 93e, l'ULB et l'UCL se situent entre la 151e et la 200e place. Enfin, l'université de Liège n'est que dans le top 400. C'est pas méga brillant, mais comme c'est là que Nafitiam fait ses études de géographie, elle mériterait de regagner quelques places. Si vous avez un chien et qu'il est comme le mien, bah, il doit avoir peur des bruits de pétards. Hein. Bah, aujourd'hui, c'est une phobie qui semble gagner les humains également, en tout cas en France. Figurez-vous qu'une quarantaine de personnes ont été légèrement blessées hier soir à Juan-les-Pins, dans le sud du pays, à la suite d'un mouvement de panique, sans doute provoqué par des pétards balancés d'une voiture. Certains parlent d'un véhicule de moteur puissant rappelant des bruits de pétards. Vous aurez sans doute compris que les gens ont pensé à autre chose hein, pour avoir ce genre de réaction. C'est évidemment le mot attentat qui leur est venu à l'esprit. Le contexte étant ce qu'il est, il faut savoir que Nice, où s'est produite la tuerie du 14 juillet, n'est pas bien loin de Juan-les-Pins.

tout a été fait à la main de A à Z. La moindre petite planche en bois, c'est eux qui l'ont posée. Et ils mangent tout ce qui vient de l'environnement naturel. Donc moi, ça m'a fait grave lever parce qu'ils ont quand même passé 20 ans à faire ce projet. Et je trouve ça juste incroyable. Et j'ai vu sur YouTube la vidéo et c'est magnifique. Ah, ça va être magnifique. Hoffman, t'es bricoleur toi ou pas? Non, mais ce que la news dit ensuite, c'est qu'ils peuvent plus en profiter parce qu'ils sont bloqués du dos. Ils ont travaillé pendant 20 ans, maintenant ils savent plus bouger. Kaufman, toi tu as râlé, hein? Bah oui, je vous parle souvent de l'émission The Voice Lou. Ouais. Oui. Notre cher ami Nikos. Eh bien là, c'est encore à Jennifer qu'on va s'intéresser, puisque je vous dévoilais ici quasi en exclusivité que Jennifer voulait revenir comme coach dans The Voice. Oui. Elle l'est déjà dans The Voice Kids, qui arrivera en septembre. Mais pour son retour, elle exigerait quand même une certaine somme d'argent, ce qui est déjà assez paradoxal quand on sait que son dernier album n'a pas fonctionné. Ouais, bien sûr. Quand on sait que sa tournée, bah, les gens ne se bousculent pas pour aller la voir, elle se permet. Elle te demandait quoi? 30 000, 40 000 euros, un truc du genre. Non, hein, t'es gentil, je crois. Elle réclame 500 000 euros. Combien? Ah ouais. Soit la somme qu'elle 500 000, soit la somme qu'elle recevait lors de la saison 4. En plus, elle dit qu'elle n'a aucun scrupule à réclamer autant, puisque ses trois collègues seraient encore mieux payés. Mika toucherait 900 000 euros, Pani 800 000 euros et Garou 700 000 euros. Ah oui, quand même. Ouais. Ah, elle est chère l'émission quand même. Donc, il y a du budget là-bas. Ah, ils mettent tout dans les coachs. Hein. Le reste, bon, ils font du recyclage un petit peu. Et toi, cette affaire, elle était pas contente, trop d'argent, c'est pour ça. Hein. Bah, pas forcément, mais j'ai encore choisi le mauvais métier. Encore une fois, combien ça coûte dans quelques minutes? On a plein de cadeaux à vous faire gagner, Kaufman. Oui, qui dit nouvelle semaine, eh bien, dit nouveau cadeau à vous filer. On a les goodies jeux vidéo et encore bien plus. On va se régaler ce lundi. Effectivement, le combien ça coûte juste après Lost Frequencies, Beautiful Life sur Fun Radio. Anywhere you want to go, I follow. Mountain high and river low, I follow. Take me to the bottom, drop me in low, wherever you go. Mountain high and river low, I follow. It's a beautiful, beautiful life. Beautiful, beautiful life. Beautiful, beautiful life with you. Soleil, la plage et tous vos tubes préférés. C'est Fun Radio, le son dance floor. way you whine it, whine. Girl, move your body, pan time, feet, them out for pile it, pile it. Sexy physique and shape and figure and style it, style it. Drop it to floor, bring it, come up back, I'm grind it, grind it. Girl, just give me that thing, come make we set this, set this. I'm gonna get this, I'm gonna wet this. Let's get reckless, make this night be the best trip. If I'm a set list, cannot forget this. Just take this, girl, and flex this. Boom flick, wanna pull and bless this. We not bet this, girl, just let this energy come shock like electric. Ooh, bye, bye, hey, oh. Jusqu'à 20h, on est en direct. La suite du son dance floor, ça se passe avec Enrique Iglesias. Et on a des cadeaux à vous offrir aujourd'hui. Ça se passe dans le combien ça coûte. Le principe est simple, j'ai un prix en tête. Et au 63,22, 1€ par message. Vous devinez à quoi elle correspond pour gagner des jeux vidéo, pack fun, goodies collector Kaufman. Ah bah pour la dernière semaine de notre émission, on a mis le paquet, hein. On a ramené les dernières goodies jeux vidéo, les jeux vidéo comme tu le disais. Et même bien plus, vous n'êtes pas à l'abri de quelques bonnes surprises durant cette semaine. On est là pour vous régaler. Je peux pas mieux vous dire, hein, c'est que du fun. Très bien, le prix du jour, 119€. Laurence Kaufman, vous avez posé des questions pour aider les auditeurs. Oui. Si vous avez la bonne réponse, ça se passe au 63,22. Une question Kaufman. Oui, est-ce que c'est un objet professionnel ou plutôt personnel? Personnel. Est-ce que c'est un accessoire de mode? Oui. Un accessoire de mode. Oui. T'es pas tombé sur la bonne personne, hein, pour la mode, ça. J'avais compris ça. D'accord, est-ce que c'est de l'habillement? C'est de l'habillement, non. Est-ce que c'est petit? Oui. Est-ce que on met cet objet-là tous les jours? On peut. Est-ce que ça se porte sur une région particulière du corps? Oui. Ah. Est-ce que ça se porte sur le poignet? Le poignet? Non. Ça concerne le haut ou le bas? Ça concerne. Ça dépend. Non. Non, ça dépend. Ça dépend? Oui. Ok. Ça dépend à quelle hauteur tu les mets. Le bas de quoi alors? Parce que je comprends pas. Bah moi non plus. Ça concerne les bras. Toute la continuité les du bras. Bras. Les bras, les mains. T'en as plusieurs, toi, les bras Deux. Deux, mais... Les bras, les mains. D'accord. Bon, si vous avez des idées à nous suggérer, n'hésitez pas au 6322, parce que nous, on nage dans le potage. Je les embrouille. J'aime bien ça. D'accord. Kaufman. Est-ce que c'est en matière précieuse, tiens? En matière... Ça peut. C'est un bracelet? Non, ce n'est pas un bracelet. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. On a plein de jeux vidéo à vous faire gagner. Des goodies collector. Kaufman. Est-ce que ça indique l'heure? Ça indique l'heure, non. Est-ce que ça a une forme particulière? Genre c'est rond, ovale, c'est quoi? C'est quelle forme? Oui, c'est rond. C'est rond, ok. Bon, en termes de bijoux, je pense qu'on a fait le tour. Non. On a parlé des bracelets, c'est pas ça? Non, on a parlé des montres, c'est pas des montres. C'est pas des montres. Et est-ce qu'on en met lorsqu'on se fiance? Oui. Ah. Bien joué, Kaufman. D'accord. Si vous avez la bonne réponse, ça se passe au 6322. Est-ce que ça se perd facilement? Oui, ça se perd, oui. Est-ce que lorsqu'on se marie, on en offre une seconde d'ailleurs? Oui, une seconde, oui. ça nous coûte très cher finalement. Ça coûte blindé, oui, effectivement. Laurence. Est-ce qu'on peut y mettre un gros diamant dessus? Oui, on peut y mettre un gros diamant. Un petit alors aussi. Un petit aussi. Je vois que toi tu préfères le petit. Hein. Moi je trouve ça plus élégant. Et surtout moins cher. Et surtout moins cher, voilà. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. On me dit un piercing, non, ce n'est pas la bonne réponse. On me dit aussi un collier, non. Un bracelet, on a dit que non. Une montre non plus. Allez-y, au 6322, on a plein de cadeaux à vous offrir. Kaufman, tu penses avoir trouvé toi ou pas? Ouais, parce que le mot qu'on cherche, c'est aussi. On peut la mettre dans une dent, sur une dent. Ah oui, effectivement, on peut. C'est bien joué Kaufman. Ouais. Laurence a trouvé ou pas? Bah, je pense bien, mais est-ce qu'on peut aussi dire une chevalière pour les hommes? On peut c'est dire, ça, en fait. Ouais, on peut dire une chevalière en gros pour les hommes. C'est pas le mot que je cherche, hein. Je cherche pas du tout le mot chevalière, hein. D'accord. Tu penses avoir trouvé, toi, c'est bon, Kaufman? Est-ce que je peux donner le terme familier? Vas-y. La bagouze. Ah bon? Je connaissais pas ce terme. Moi non plus. Bah ouais, tu mets une bagouze. Bah, seulement chez toi, hein. Chez moi, je connais pas. Ça commence par quelle lettre autour de un la table? B. Ça commence par un B. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. On a plein de cadeaux pour la dernière semaine. Allez-y, 6322, 1€ par message. Le mot que je cherche commence par la lettre B. Il y a 5 lettres. Donc allez-y, hein, envoyez tout ça au 6322. Je prends un gagnant juste après Enrique Iglesias sur Fun Radio. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Je viens d'acheter une télévision chez Vandenborg. Et vous savez quoi? Je peux encore retourner chez eux pour un conseil, une question ou en cas de problème après mon achat. Ils peuvent même m'aider par téléphone. Et si ça ne marche pas, Vandenborg viendra chez moi. Et si ma télé doit aller en réparation, je reçois un appareil de remplacement gratuitement. Alors, si vous me demandez si je suis content de Vandenborg, je peux simplement vous dire oui, très content. TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. Après avoir traversé un désert, affronté une tempête musicale et devancé Neil Armstrong, Tintin est de retour à Bruxelles avec la STIB. Dès le 25 juillet, découvrez les cartes Moby Basic Tintin en boutique et kiosque à l'achat de 10 voyages. Dépêchez-vous, c'est une édition limitée. Bruxelles, c'est nous tous, la STIB. Fun Radio. Fun Radio.

quelques minutes le Fun Beauty, le Fun Game et le son de Major Lazer sur Fun Radio. Allez, on va connaître la réponse au combien ça coûte et j'accueille Mallory qui est avec nous. Salut Mallory. Allô Mallory. Allô Mallory. Mallory une fois, Mallory deux fois, Mallory trois fois. Bah il est où? Bah je sais pas, il est parti. Bon tant pis Mallory, tant pis pour toi. Allô. Oh Mallory. Désolé, mon micro était coupé. Attends, c'est pour ça Mallory. J'ai hâte de le voir maintenant. Quelle déception, t'as un homme Mallory. Oui, ça. Salut tout le monde. Avec un prénom comme ça, c'est Mallory, normalement c'est pas féminin. Non, c'est masculin. Il y a féminin et masculin, ça dépend de comment qu'on le nomme ou quoi là qu'on l'écrit. Très bien, tu t'es fait opérer, on respecte ça. Hein. Oh, mais ça dans l'ordre, on y arrive, Mallory. 119€, c'est le prix du jour, ça correspond à quoi? Pardon? 119€, c'est le prix du jour, et ça correspond à quoi, Mallory? La bonne réponse, c'est quoi? Allez, Mallory. Une bague. Une bague, Mallory, oui. Oh, on l'a eu. J'ai cru qu'on allait avoir demain la réponse. Allez, c'est parti, on vérifie. Fun Radio. Dance. Oui. Bravo. Bien joué, Mallory. Oui, c'est gagné. Bravo, Mallory, tu repars avec. Tu aimes bien les jeux vidéo, Mallory? Oui. Eh ben, on va t'offrir des goodies jeux vidéo. T'as quoi comme console? Moi, j'ai un ordinateur. Ah bah c'est parfait, on va t'offrir des goodies jeux vidéo PC alors. Voilà, parfait Mallory, passe une bonne soirée. Bisous bisous Mallory. Merci. De rien. Bisous bisous à tout le monde. Ciao. Bisous Mallory. Et merci beaucoup. On prend tes coordonnées en antenne, ne bouge surtout pas. De rien Mallory. On est prête Laurence, Fun Beauty, on va parler de quoi? On va parler comme tous les lundis des astuces de grand-mère. Okay. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait contre les piqûres de moustiques, les démangeaisons surtout. Ça se passe juste après Major Lazer sur Fun Radio. From a man, he a punk. She got a body like Baywatch. I met her at Playhouse. Bought 10 bottles, bought 10 more. Told her move her ass to the tempo. Is you really with the shit though? Really, is you really with the shit though? We got champagne and vodka. Goons will be up there, need a pile of. Fuck niggas, hate real niggas, get money. All motherfuckers dead. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'm smashing. You come from the past. Baby, girl, please, please. Baby, don't leave. You got that booty, booty, boom, bop, bop. Baby, give me that boom, bop, bop. Baby, girl, please, please. Baby, don't leave. You got that booty, booty, boom, bop, bop. Baby, give me that boom, bop, bop. Rider, break a cup. She a make bag of nice, me no even give a fuck. She a show a lot of sign dollar where you a go do. Take a roadside, go smash it pan the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other, other. Man a girl is, I'm in stanta forever. Girl, please, baby don't leave. You got that booty booty boom bam bam. Baby give me that boom bam. Liam Summers débarque sur Fun Radio. Entre 19h et 20h, on recevra Unique. Si vous avez des questions à lui poser, ça se passe au 30-44. Il y aura aussi le fun game avec Kaufman. Oui, on parlera d'un jeu qui a décidé de bannir certains joueurs à jamais. Et cette semaine, on a un magnifique cadeau à vous offrir. C'est du wave karting, on en parle dans quelques minutes. Mais là, c'est le fun beauty de Laurence. Toutes les nouveautés beauté dans le fun beauty avec Laurence. Le soleil est de retour et les moustiques aussi. Exactement. Et vous les gars, vous faites quoi quand vous avez un bouton moustique qui gratte vraiment beaucoup? Moi, je gratte et je mets un peu de citron. Mais voilà. Ah ouais, ouais. Du vinaigre. Et du vinaigre pour Kaufman. Ah, bah le vinaigre, on va en parler. Le citron, non, mais c'est bon aussi. Alors, aujourd'hui, on va parler des remèdes de grand-mère pour les démangeaisons de boutons de moustiques. Parce que, comme tu l'as dit, maintenant il fait beau, il fait chaud. Et pendant plusieurs jours, il va faire très très chaud. Donc, les moustiques vont revenir. Donc, du coup, le premier remède, c'est quoi? Alors, c'est une huile essentielle à base d'une plante. Ok. Qui vient de Méditerranée. Ouais, c'est quoi? Qui est mauve. Qui est mauve, une plante mauve, la lavande. Exactement, ouais. Parce qu'en fait, la lavande a des vertus anti-inflammatoires et apaisantes. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un peu d'huile essentielle, on en met dans le creux d'une main, on prend l'autre main, on prend son petit doigt, et on frotte tout simplement sur le bouton. Oh, ça va, facile. Et ça va directement apaiser et calmer. Alors, le deuxième remède, c'est un produit culinaire et ménager. Culinaire et ménager, le vinaigre, comme l'a dit Kaufman. Exactement, c'est le vinaigre. Donc, il peut être balsamique ou ce qu'on veut, mais en fait... On va quand même préconiser de prendre du vinaigre de cidre et bio parce que c'est plus doux et sans tous les produits conservateurs qu'il y a dedans. Et on se frotte dessus, c'est ça? Exactement. Ouais. Bon, là, on prend une compresse et on frotte tout simplement dessus. Moi, hier, je me suis fait une salade balsamique bouton de moustique. C'était délicieux. Dernier remède, Laurence. Alors, le dernier, c'est avec un savon bien connu. On en parle beaucoup. Hein, c'est un savon du sud de la France. Ouais, savon de Marseille. Exactement. Ouais. Bah, c'est aussi un allié contre les démangeaisons de boutons de moustique. Bah, tout simplement, on lave, hein, comme si on se lavait, en fait. Autre, très simple. Voilà. Merci pour ces remèdes des grand-mères et pour les boutons de moustique. Kaufman, on est prêt pour le fun game dans quelques minutes? Bien sûr, on vous parlera d'un jeu qui a décidé donc de bannir ses joueurs à tout jamais. Les mauvais joueurs sont donc bannis, Oni. Très bien. Voilà. Il y a aussi du wave karting à gagner, Kaufman. Ah bah oui, il y a quelques semaines, on était conviés à tester le wave karting. On vous expliquera en quoi cela consiste, le fun que cela procure. Et tout ça, c'est dans quelques minutes. Juste après Liam Summer sur Fun Radio. Memories on my mind. I can't resist it. You do me right. Yeah. continue avec du son belge, Alex Germis à suivre. On a des places pour aller faire du wave karting. C'est une activité unique qu'on vous propose de gagner cette semaine. Kaufman, tu l'as pu la tester? Bah avec vous, ouais. Ouais, il y a quelques semaines, on t'est convié à Zeebrugge, plus précisément, pour essayer le wave karting. Mais derrière ce nom se cache une discipline qui ne recèle que du fun. En somme, eh bien, on vous donne un karting des mers, si l'on peut rappeler ça comme ça. Rassurez-vous, c'est beaucoup plus stable qu'un jet ski. C'est entre le bateau et le jet ski. Ouais, ouais. C'est ça. C'est vous ça. Embarquez à deux, voire même à trois pour les plus gros. Ouais. Et vous allez vous balader en mer avec des moniteurs. Ça, c'est quand même assez fun parce que ça va relativement vite. Et comme on prend des vagues avec le karting, forcément, ça procure encore plus de sensations. Ça va jusqu'à peu près 50 km/h. Et toute cette semaine, on va vous filer vos invitations pour aller non pas vous éclater tout seul, mais non, vous éclater avec plein d'auditeurs de Fun Radio, avec les animateurs de Fun Radio. On y sera aussi pour vous montrer avec classe comment il faut faire. parce que nous on a déjà fait. Non mais franchement, on s'est tapé là-bas, on s'est tapé la route jusque Zeebrugge. Ouais. On s'est éclaté. On s'est amusé. Ouais, c'était génial. On s'est bien amusé. Alors chaque semaine, je dis que c'est le plus beau cadeau. Ouais, mais là c'est vraiment. Le cadeau à ne pas manquer. En plus, à chaque fois, on vous file deux places, ouais, pour remporter ces places. Et je pense que même aujourd'hui, hein, après j'aurai fini, on a deux fois deux places. C'est ça, on a deux fois deux places à vous offrir d'ici 20h. Donc vraiment, c'est un magnifique cadeau. Pour vous inscrire, c'est très simple, Kaufman. Vous envoyez MER, M-E-R, au 63-22. MER au 63-22. On a deux fois deux places à vous filer pour aller vous éclater sur la mer du Nord, à Zeebrugge, pour faire du wave karting, une discipline assez unique, assez fun. Croyez-moi, on va se fendre la gueule là-bas tous ensemble. On ira et vous verrez, on fera des photos. Tout. Ça va être cool tout ça. C'est très bien. Ça se passe avec les animateurs de Fun Radio. En plus, vous allez pouvoir parler avec eux, déjeuner, manger avec eux. Ça se passe au 63-22. Vous envoyez MER au 63-22. MER. MER au 63-22. C'est un euro par message. C'est un magnifique cadeau qu'on vous offre aujourd'hui, toute cette semaine. On a deux fois deux places à vous offrir. Envoyez MER au 6322, MER, MER au 6322. Pour la suite, le Fun Game, Kaufman. Oui, on parlera d'un jeu que je ne dévoile pas encore qui a décidé de bannir les mauvais joueurs. Et le son Dance Floor avec Alex Germis. C'est l'été. Et qui dit été dit... Hé hey Phil, ça roule. Dis-je pars lundi en vacances. Tu peux me déposer à l'aéroport? Mais en fait, ce que votre ami veut dire, c'est... Phil, dis-je pars me dorer la pilule au soleil. Il faut que tu passes 2 heures dans les embouts pour me déposer et puis repartir chez toi. Enfin non, pas chez toi, au boulot. C'est lundi, c'est vrai. Allez, merci, hein, ciao. Rendez-vous service et faites plaisir à vos amis en devenant ami chauffeur. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train. Fun Radio. Fun Radio. Et office, bless, bless, Matuidi, Ribéry, Benzema, Benzema, oh, Pogba, Pogboom, what I we, what I know. Elle a jeté son cœur en fève, à part ses colliers, tu n'as plus rien à lui briser. Elle a dansé dans le noir, tout à coup le sol s'allume comme dans Billie Jean. Tout s'accélère, elle veut contrôler le monde comme un Rockefeller. Elle veut régler ses comptes et rafler la cagnotte, peu importe le prix. Donc elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Mercobenz. Elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Mercobenz. Elle est pas qu'elle est zone d'azou, zou. Porsche Panamera, zou, zou. Bugatti Veyron, azou, zou. Berlinetta, zou, zou. Pagani, zone d'azou, zou. Porsche Panamera, zou, zou. Bugatti Veyron, azou, zou. Berlinetta. Ça ira, ça ira, ça ira pour ce soir. Ça ira, ça ira, ça ira pour ce soir. Les compliments n'ont pas d'effet, mademoiselle a l'habitude qu'on lui parle en chiffres. Sentiment la ralentie, tu t'effraies peu à peu comme un morceau de chiffres. Donc elle m'a demandé un selfie, elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Merco. Elle m'a demandé un selfie, elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le 6-5. Tu tiens la montre. calme sur Fun Radio. KLM, c'est que du fun entre 17h et 20h. Sometimes it's hard just trying to hold on. Fell so far. Kinvé pour la suite du Sundance Floor sur Fun Radio. Dans quelques minutes, les meilleurs moments de la Power avec Audrey. Là, c'est le Fun Game de Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. On évoque quoi, Kaufman ? Eh bien, on va parler de Pokémon Go, hein, les joueurs qui ont l'habitude. Allez, esquiver un petit peu les règles en utilisant des moyens pas très très légaux. Et oui. Ces moyens pas très légaux, en somme, c'est quoi ? C'est utiliser des logiciels qui permettent de tricher sur sa position. En fait, il t'indique possible, pas. Ah, bien sûr, facilement même. Il t'indique pas à Bruxelles, mais il t'indique, je sais pas moi, aux États-Unis, en Alaska, là où tu sais qu'il y a des Pokémon rares. Ouais. Tu utilises ce logiciel-là, boum, t'es téléporté, façon de parler, et tu peux attraper plusieurs autres Pokémon. C'est interdit ça, non ? C'est interdit. Ah, okay. Et Niantic a décidé de faire la chasse aux mauvais joueurs en les bannissant purement et simplement de leur jeu à vie. À vie. Wow. Terminé. Votre compte, il est fini, il est bloqué, il est terminé. Donc si vous aviez passé du temps à capturer des Pokémon mais que par envie vous aviez un petit peu triché, bah c'est dommage pour vous. Niantic va mettre la main et clôturer votre faux compte. Est-ce que si on recrée une adresse mail, on peut se reconnecter via un autre compte? Ah oui, mais alors il va falloir repartir de zéro. Ah ouais, tu repars de zéro après. Oui. Ah ok, ouais. Ah bah non, je suis mort. C'est dommage. Dans une heure, on parle de quoi, Kaufman? On parlera de FIFA 17, encore des infos qui sont tombées pour un jeu qui sort bientôt, à savoir dans un mois et quelques jours. Très bien, la suite de son Explore, ça se passe avec Kinvey. Là, c'est les meilleurs moments de l'Happy Hour avec Audrey. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Et puis là, c'est le moment de se faire l'appel bourré de Fab. Vous savez, c'est nouveau dans cette émission. En fait, Fab boit des petits coups, des cocktails. Ouais, tranquille. Après tout, on est en mode Happy Hour. Un cocktail acheté, un cocktail offert. Exactement. Attention, l'alcool, c'est avec modération, les copains. Trouvez pas d'excuses. Mais oui, mais Audrey, dans l'Happy Hour, elle a dit qu'on pouvait. Alors voilà. Donc Fab, il a bu un petit coup. Et du coup, bah, quand c'est comme ça, il appelle des gens voilà, pour les embêter. Aujourd'hui, t'as appelé qui? J'ai vu une société qui s'appelle Beau comme Bertrand. Ouais. Mais moi je le connais, Bertrand. Il est pas beau? Il est pas beau. Ah bah voilà, on vérifie ça. Dit. C'est parti. Beau comme Bertrand, bonjour. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Mon nom est Fab et je vous appelle parce que c'est pour vous dire que je suis pas d'accord avec vous. Sur quoi monsieur? Sur quel sujet? Sur Bertrand. Oui, c'est sur Bertrand, monsieur, parce que je connais bien Bertrand, un collègue à moi. Et, Bertrand, c'est un nom, c'est le nom de notre société, monsieur. Oui, de mon collègue aussi. C'est pas un prénom. C'est pas parce qu'il est, il est sympa, oui. Il est gentil, oui. Oui. Mais il est pas beau. Il est pas beau. Il est pas beau. Il est pas beau, Bertrand. Bah, effectivement, c'est possible, mais nous, notre société, n'est pas une personne. Non, mais parce que vous dites beau comme Bertrand. Moi, je dis non. Oui, tout à fait. Mais c'est le nom de la société. C'est pas le nom d'une personne, monsieur. C'est un collègue, Bertrand. Non. C'est mon collègue. Il est sympa, mais il est pas beau. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Exactement. Mais sinon, vous avez d'autres choses d'intéressantes à dire ou... Non, c'était juste pour vous dire que je suis pas d'accord avec vous. Voilà. Oui, bah, c'est votre choix, vous avez tout à fait raison, mais bon, nous, on n'a rien à voir avec ça, donc... C'est vous qui avez choisi, non, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Effectivement. Oui, c'est vrai, vous avez raison, monsieur, je pense il faut faire quelque chose, alors, faut l'appeler. Vous pouvez mettre sympa comme Bertrand, sympa comme Bertrand, c'est bien. Oui. Attendez, je pars un verre, parce qu'il est sympa, et Bertrand, il est vachement sympa. Oui, tout à fait, monsieur. Vous aussi, vous êtes sympa, mais je pense qu'on va devoir raccrocher, hein, parce que, voilà, on a du travail et on a la même affaire. Pardon? Mais vous êtes gentil, monsieur, hein. Vous appelez pas Bertrand, vous, par hasard, non? Non, moi, c'est Fab, monsieur. F-A-B. Fab. Ah, Fab, oui. Oui. Okay. Alors, il faut mettre sympa comme Bertrand, ça irait mieux, parce qu'il est vachement sympa. Vous êtes sympa. Beau ou pas? Non, vous êtes pas beau, vous. Ça dépend de quel côté vous regardez. En tout cas, vous êtes bourré, ça c'est sûr. Bah, on vous laisse, monsieur. Oui. Hein. Bonne journée, au revoir. Allô? Oh là là, mais Fab, t'es insupportable, quoi. Il paraît, c'est ce que le monsieur il a dit. Mais en plus, le pire, c'est que vous le connaissez pas parce qu'il parle pas à la radio, mais on a vraiment un collègue qui s'appelle Bertrand. Il va le prendre. Tu sais qu'il va le prendre pour lui, ce que t'as dit. Et donc, t'as dit quoi? Je répète bien, si j'ai bien compris, Bertrand il est pas beau, mais il est sympa. Il est sympa. Ok, on va appeler Bertrand juste pour lui dire. Mets le numéro de Bertrand là. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Depuis que je t'ai trouvé, j'ai tant de choses à dire, tant à te prouver. Je ne trahirai jamais ta confiance, si seulement tu m'accordais au moins une chance. J'aimerais faire ce rêve une réalité, j'ai peut-être mes défauts mais j'ai mes qualités. J'aimerais t'en savoir ce que tu penses, même si à mes yeux c'est une évidence. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut, mais surtout n'hésite pas, laisse-la prendre la première place. Je ferai de ta vie un rêve, tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve si tu me laisses la première place, baby. Mon sourire, je ferai en sorte que tes peines soient qu'un souvenir. Après le bonheur, tu n'auras plus à courir, car auprès de toi, je le ferai venir. Si toi et moi fonds-nous, on fera des jaloux. Mais je suis prêt à prendre le risque, tant notre amour est plus fort que tout. Yeah. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut, mais surtout. va prendre la première place. Dis-le, je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner là-bas. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, oh baby. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner là-bas. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première. Le son dance floor continue avec Imani. Et dans un peu plus d'une heure, on reçoit une artiste incroyable, Kaufman. Ah oui, en plus, on la joue souvent sur Fun avec Merci. Et je sais pas si tu le sais, on lui posera la question. Tiens, elle a occupé la première place ou la seconde place du classement iTunes en mars 2016, donc il y a quelques mois. Ouais. Ouais, elle se construit petit à petit. On la compare souvent à des grandes artistes américaines, notamment Rihanna. On aura le plaisir de la recevoir. En plus, elle est assez déjantée, assez sympa. Apparemment, assez... ouais. Ouais, on va voir ça, hein, 19h-20h. Si vous avez envie de poser vos questions, c'est au 3044 que ça va se passer. Hein. Vous nous envoyez la question que vous avez envie de lui poser. Et puis nous, on se fera porte-voix, porte-drapeau de cette question. Pour ceux qui ne connaissent pas, Unix, c'est ça. Pour poser vos questions, ça se passe au 3044 dans quelques minutes. Le Saral, Salove, Kaufman, tu vas lever sur quoi? Bah, je vais lever sur un vieux qui est en forme comme jamais. Ok, très bien. Toi, Laurence, tu vas râler? Bah, je suis fâché contre Justin Bieber qui fait encore une fois des siennes. Oh, quel gamin celui-ci. On en parle en quelques secondes. On a toujours des places pour aller faire du wave karting. C'est une activité unique qu'on vous propose de gagner cette semaine. Si vous êtes à la recherche de sensations ou de vues imprenables, c'est vraiment, vraiment pour vous. Vous montez à bord d'un engin qui est entre le bateau et le jet ski. Et là, c'est parti pour découvrir la mer du Nord. Vous allez adorer. C'est un magnifique cadeau qu'on vous propose de gagner toute cette semaine. Le soleil est de retour, donc faut en profiter. Allez-y pour gagner les deux places pour aller faire du wave karting. C'est simple. Vous envoyez mer, M-E-R, au 6322. Mer au 6322, M-E-R. C'est 1€ par message. Laurence Kaufman, vous l'avez fait. Vous, ah, en oui. Plus, ça vous a fait quoi d'être sur la mer du Nord avec un jet ski entre guillemets, on va dire? Moi, le plus grand kiff. Hein. C'était quoi? C'était de te regarder. Ah, pourquoi? Parce que t'as aimé. Ouais. Parce que t'as aimé chaque instant sur le wave karting. Tu aimes la vitesse, les sensations fortes. Et on te voyait. Et je me suis dit, il va vomir. Et ben non, même pas, mais bon. Même pas. Ouais, t'as adoré, toi. Et toi, Laurence, t'as kiffé ou pas? Bah, j'ai kiffé parce que t'étais derrière moi, en fait. Oui, en donc, plus. Moi, j'ai eu toutes les sensations fortes. Avec toi derrière, qui t'es en train limite de pleurer, quand même, on va le dire. Donc, c'était très, très fort et c'est très, très chouette. C'est vrai. Pour gagner les deux places pour aller faire du wave karting, on fait comment, quand vous envoyez mer au 63-22, c'est 1€ par message. Et l'avantage d'être un lundi 15 août, c'est qu'à mon avis, il y a peut-être moins de participants. Et ouais, en plus, on a deux fois deux places. Donc allez-y, vous envoyez MER, MER au 6322. C'est 1€ par message. On aura donc 4 gagnants aujourd'hui. En deux tout, gagnants. 2 fois 2, ça fait 4. Oui, ok, oui, 4 gagnants. Si tu veux. Merci, monsieur. 4 places. Si on tu aura veux. Donc 4 heureux. Ah oui, effectivement, c'est 4 vrai. 4 heureux. Vous envoyez MER au 6322. Exactement, on prend un gagnant dans moins d'une heure et l'autre juste après. Donc allez-y, envoyez MER au 6322. MER au 6322, c'est 1€ par message. Là, il est 18h, c'est l'heure des infos. Fun Radio. Fun. Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Salut David, c'est à tous. Si je vous parle de la Louisiane, dans le sud des États-Unis, recouverte par les eaux, bah, certains d'entre vous penseront évidemment à l'ouragan Katrina, qui avait fait près de 2000 morts à la Nouvelle-Orléans, surtout il y a 11 ans déjà. Ce qui se passe actuellement dans cet état est moins grave. N'empêche que des pluies torrentielles ont provoqué de grosses, grosses inondations. 5 personnes ont trouvé la mort près de la capitale Baton Rouge. Et plusieurs dizaines de milliers de gens ont dû être secourus. Les autorités ont prévenu que ces inondations, qui ont également frappé le Mississippi, n'étaient pas terminées. L'Europe, elle, n'est plus submergée par les migrants hein, depuis la signature de l'accord entre les 28 et la Turquie. Quoique de nombreux réfugiés prennent toujours la mer, mais depuis la Libye, de ce côté-là, ça ne s'arrange toujours pas. La mer Égée, elle, est donc plus calme. Mais est-ce que ce sera encore le cas en octobre? Voilà, une bonne question. Les Turcs ont prévenu que si dans les deux mois qui viennent, leurs ressortissants ne bénéficiaient pas d'une libéralisation des visas pour aller en Europe, l'accord migratoire conclu en mars sera caduque. En d'autres mots, Ankara laissera à nouveau les réfugiés prendre la mer en direction des côtes grecques et ne fera rien pour les récupérer. Dans un journal allemand, le ministre turc des Affaires étrangères se plaint du fait que l'Union humilierait la Turquie. Le peuple turc est traumatisé après le putsch du 15 juillet, dit-il. Et au lieu de nous aider, les Européens nous humilient en gelant les négociations d'adhésion à l'Union et les discussions sur les visas. Oui, on n'est vraiment pas sympa. Si les terroristes de Daesh avaient pour but de répandre la peur en Occident, eh ben c'est gagné. Hein. Je vous disais à 17h qu'à Juin-les-Pins, dans le sud de la France, des pétards, en tout cas on suppose que c'était ça, ont provoqué un mouvement de panique et une quarantaine de personnes ont été légèrement blessées. Eh bien, un mouvement de panique, on y a eu droit également hier soir, toujours à l'aéroport de LaGuardia, à New York, en raison de rumeurs de tirs. La foule a commencé à flipper quand des policiers ont ordonné aux passagers de se mettre à terre avant de les évacuer sur le tarmac. Alors, une rumeur, c'est un bruit, celui que peut provoquer, par exemple, un coup de feu. Mais selon l'enquête préliminaire, en tout cas, personne n'a tiré, aucune douille n'a été retrouvée et personne n'a été blessé non plus. J'ai évoqué tout à l'heure la formidable performance de Nafitiam à l'heptathlon olympique et la qualification pour les demi-finales de notre équipe de hockey, mais il s'est passé pas mal de choses intéressantes hein, ces dernières heures à Rio, et notamment la victoire du Jamaïcain Usain Bolt aux 100 mètres, Bolt qui devient ainsi le premier athlète de l'histoire à remporter l'épreuve reine de l'athlétisme 3 fois d'affilée. Nous avons également le Sud-Africain Wade Van Niekerk, nettement moins connu, ce qui l'a pas empêché de pulvériser le record du monde du 400 mètres, détenu par l'Américain Johnson depuis la fin du XXe siècle. Enfin, en tennis, alors que des cadors comme Roger Federer ou Novak Djokovic n'ont jamais remporté le titre en simple, l'Écossais Andy Murray, lui, s'est permis le luxe de gagner le titre 2 fois d'affilée. Murray qui s'est imposé face à l'Argentin Del Potro en finale. Fun. Fun Radio. Dans un instant, c'est le Sarah Salove. Là, on fait un point sur la météo. Barbecue, Carlo, c'est bon? Ok, quand tu veux. Allez, on sort les saucisses. Demain, en tout cas. C'est parti. Demain au mercredi, c'est parfait. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse avec David et le son d'Imani. Salut. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. C'est que du fun. 17h-20h sur Fun Radio. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And I saw God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. On se pose sur Fun Radio avec le son de Pink. Et là, c'est l'heure de râler et de lover. On commence par Kaufman qui a lové. Oui, je vais vous raconter l'histoire de Wayne McIntyre qui est entré dans le métro de Rio de Janeiro. Il a 68 ans. Ouais. Et à peine rentré dans le métro, qu'un jeune homme qui se lève pour lui laisser sa place. Gentil, gentil, bah le mec. Jusque-là, super gentil. Ouais. Sauf que Wayne McIntyre, toujours lui, a décliné cette offre, pleine d'intention donc, et a fait comprendre au jeune homme qu'il était en pleine forme malgré ses 68 ans. Alors comment est-ce qu'il a fait pour prouver sa pleine forme? Il a commencé à faire des exercices de gymnastique avec la barre du métro, avec grand écart, etc. Son fils qui était là a filmé la chose. Vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube. Vous tapez Wayne McIntyre. Et moi j'ai levé parce que franchement ça fait plaisir de pas devoir se lever pour des vieux. Ça c'est sûr. Est-ce que tu fais la même chose avec les barres de métro, Kaufman? Oui, moi je fais du pole dance métro. Ah ouais, sympa ça. Sur quelle ligne on peut te retrouver? Écoute, ça dépend. Le lundi sur la ligne Bourse, le mardi sur la ligne d'Arlois. Enfin, les habitués me reconnaîtront. Bien sûr, avec la casquette toujours. Laurence, toi tu as râlé. Bah ouais, sur Justin Bieber parce que une fois de plus, il fait le mauvais garçon. Il est connu pour être capricieux, pour être désobligeant. Et là, il nous le prouve parce qu'en fait, il vient de trouver une nouvelle copine. Et c'est la fille de Lionel Richie, le chanteur. Il sort avec Sophia Richie, elle a 17 ans. Et pour l'instant, bah, lui, il est en train de faire sa tournée au Japon et tout. Et donc, elle le suit. Et il a posté une photo sur Instagram pour annoncer officiellement le couple. Et donc, du coup, apparemment, les Bellybillers, les fans de Justin, l'ont un peu mal pris. Et donc, du coup, ils ont commenté un peu de manière vexante. Il l'a mal pris et il a menacé de rendre son compte Instagram privé. Privé, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les fans n'auront plus accès au compte Instagram simplement, et c'est lui qui devra un peu filtrer le truc. Ah oui, carrément. Mais ah, c'est bien, Selena Gomez est rentrée aussi en scène, donc son ex, pour dire écoute Justin, calme-toi, tes fans t'aiment quand même. Et là c'est en train de prendre beaucoup d'ampleur parce qu'en plus elle est en train de dire qu'il l'a trompé et tout, donc ça part complètement en live, donc on va entendre encore beaucoup parler. Ah sacré Bieber, il en fait des conneries, hein, Kaufman. C'est fou. Écoute, mon compte Instagram va devenir privé. Ah toi aussi, quand j'entends ça. Oh non Kaufman, non. Pas toi Kaufman, j'avais espoir en toi, putain. On est amis Instagram mais on est bientôt plus. Très bien, pour la suite de l'émission, ça se passe avec le top 8 du jour, le top 5 des moments où Facebook devient ton pire ennemi. Il y aura aussi le fun game, Kaufman. Oui, on vous dévoilera d'autres informations exclusives sur FIFA 17 qui débarque fin septembre. Et on a toujours des places pour aller faire du wave karting. Oui, vous aimez les sensations fortes, vous aimez eh bien la mer, eh bien combiner les deux, ça donne le wave karting. On vous invite deux fois de place et ça se passe juste après Pink, Get the Party Started. Yo, funk doc walk into the club acting rowdy. I'm hounding for the right girl to crown me. A little bit up, lift your shirt a bit up, the gentleman off, turn the temperature up. One blink, turn the world around. Up just one drink, make you earl it down. Who that there? We up here. You better like move back there. If you that scared, doctor, tink, let's happen to link. I'm in the cut, bleeding to death, harassing a freak. I'm back in the beat, it happened to beat. Rock, rock, introducing beat. Yeah, the underground make it shake upstairs. Women, throw that till they make up smears. Henny, in my cup, let's fly it up. Are you high or what? Get the party started on a Saturday night. Everybody's waiting for me to arrive. Sending out the message to all of my friends. We'll be looking flashy in my Mercedes Benz. I got lots of style, check my gold diamond rings. I can go for miles if you know what I mean. Everybody jump, everybody stomp the floor. Drop voila, rock the house, yo. Pink Diggy, rock the house, yo. Funk Doc, rock the house, yo. Scream at your boy real loud, baby. Le son dance floor. Floor se poursuit avec Môme. Il vous reste moins d'une demi-heure pour gagner deux places pour aller faire du wave karting, Laurence. Exactement, toute cette semaine, donc on vous envoie faire du wave karting. Donc c'est une sorte de bateau, jet ski, un peu les deux. Ok, ouais. Et c'est vraiment, nous on l'a fait. Ouais. Les gars, ouais. C'est vraiment super, super chouette. Donc c'est vraiment une sensation de fou parce qu'en fait on est sur les vagues et tout et on fonce à du 50 km/h. Comme ça on dirait pas, mais en fait ça va super vite. David, je crois que tu peux en témoigner. Ça va assez vite. Ça va assez vite quand même. Ça va mieux un peu. Mais normalement ça se pratique pas avec un sac, David. Un sac, bah oui, je suis obligé. Avec un sac. Je suis obligé, sinon ça arrive dans la mer direct. Donc c'est pour ça que je suis obligé. Donc voilà, envoyez mer au 6322, c'est 1€ par message et ça en vaut vraiment la peine. C'est un très beau cadeau qu'on vous offre. Ouais, il y aura forcément un gagnant aujourd'hui et même dans moins d'une demi-heure, vous envoyez mer au 63 22 mer, comment on l'écrit, Kaufman? M-E-R, la mer noire. Non, c'est pas ça. C'est déjà la mer du Nord en plus. Ouais, c'est vrai. M-E-R au 63 22. Il y a un gagnant dans moins d'une demi-heure. Allez-y, c'est 1 euro par message. Pour la suite de l'émission, c'est le Topito, top 5 des moments où Facebook devient ton pire ennemi, et le fun game, Kaufman. Oui, on parlera d'informations assez exclusives sur FIFA 17. On vous en dit plus dans quelques minutes. Le son dance floor avec Mom aussi. Sprite. Du pur rafraîchissement, et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. This is Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. Dance floor, dance floor, dance floor, dance floor, dance floor, dance floor. Love me like no one else get you higher. No one else get you higher. You and I, we're so hot that we fire. We're so hot that we fire. Sur Fun Radio. Things you found, you feel a little younger.

Allez, on continue avec Milo sur Fun Radio. Vos places pour l'OF Karting et le Fun Game dans quelques minutes, mais là, c'est le topito du jour, le top 5 des moments où Facebook devient ton pire ennemi. En cinquième position, quand tu es encore ami avec ton ex. Est-ce que autour de la table, vous êtes encore ami avec vos ex sur Facebook? Talk of Man, c'était du temps du Minitel, donc je passe. Laurence, t'es encore ami? Non, c'est blasphème, ça. Ah, c'est jamais, blasphème. Jamais. Non, j'sais pas, fini dans la vie, fini dans les réseaux sociaux. Kaufman, je taquine, mais voilà, il est pas si vieux que ça. Ah non. On élimine, hein. On élimine, ouais. On ex, on supprime. Très bien, Kaufman. Quatrième position, quand tu reçois une demande d'amis de la part de tes parents. Est-ce que, est-ce que vous êtes amis avec vos parents sur Facebook, Kaufman? Oui. Et toi, Laurence? Oui. Ça vous gêne? Oui. Ok, on passe alors. Troisième position, quand tu découvres tes photos de lendemain de soirée. Ça pique un petit peu, Kaufman. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de soirée. Ah, autant pour moi, Kaufman. Et toi, Laurence? Non, ça va. J'assume. Ah, on assume. C'est bien, si on assume, ça va. Deuxième position, quand une personne te spoil la fin d'une série sur Facebook. Oh. Ah ouais, il y en a souvent qui font ça sur Facebook, Kaufman. Ah oui, là, c'est même pas une personne. Je prends l'exemple du dernier film Star Wars. Tout le monde avait donné la fin avant même que j'ai eu le temps de le regarder. Et ça, c'est chiant, c'est vraiment relou. Ah, ça, c'est vraiment relou. Ouais. Ouais. Et toi, Laurence, pareil. Hein. Moi, je retire de la liste d'amis. On n'est plus amis. Ah, carrément. Et en première position, quand tes parents commentent tes statuts avec ton surnom d'enfance, et là, c'est un petit peu la honte. Kaufman, ça arrive souvent. Je salue ma maman. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, et toi, Laurence? Bah, justement, c'est ce que tu disais. Tu demandes si ça me gênait, mais c'est entre autres pour ça que c'est un peu gênant parfois. Ah, c'est gênant. C'est quoi votre surnom d'enfance? C'est quoi toi, Kaufman? Moi, c'est c'est le vrai Doudou. Doudou? Oui. Oh, ça va, Doudou encore. Et toi, Laurence? Mais moi, c'est Bibi. Ah, Bibi. Ah, bah, voilà. Bibi et Doudou sont avec moi. Jusqu'à 20h, c'est que du fun sur Fun Radio. Pour la suite, on aura le Fun Game et des places pour le OF Karting. Il vous reste quelques minutes pour jouer. Hein. Ah oui, vous avez envie d'aller vous éclater à la mer. Surtout que l'été sera chaud, mais plutôt vers septembre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est le moment, c'est l'instant. Et là, voici Milo, Rolling and the Moon. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico. Sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Summertime, take me back to Hawaii. Skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me, have dinner in Sicily. Be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over. Radio. Hi, it's Ava Simmons. Let's go. Toutes vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Fun, fun. The song dance floor. Oh Lord, have mercy on me. I don't know what I'm doing. Hope I will be just fine if I let my feelings out. For real, I had a good time. Just had enough of your mind. Can I really let you go? No. Après-midi tranquille avec le soleil et le son de Jonas Blue. Il vous reste moins de 5 minutes pour gagner 2 places pour aller faire du wave karting. Mais du wave karting, c'est quoi, Kaufman? Bah, les gens se rendent pas compte, hein, mais l'opportunité qu'on offre, le cadeau qu'on va vous offrir toute cette semaine, c'est vraiment passer une heure sur un espèce de scooter des mers, un karting des mers à plus de 50 km/h avec un moniteur. Hein, c'est encadré, hein, vous rassurez, vous savez pas en faire. Il n'y a aucun risque. Vous savez pas en faire, il y a une espèce de petite classe de 15 minutes, 20 minutes, vous enseignant tout ce qu'il y a à savoir, le maniement. Sur le maniement du wave karting. Et puis voilà, vous vous lancez avec le moniteur. Au départ, ça va lentement et forcément pour sortir en mer, hein, parce que c'est sur un espèce de, je sais pas comment on appellerait ça, sur c'est une petite traversée au final, qui arrive après sur la mer. Exactement, qui nous mène droit sur la mer. Et là, on peut commencer à lâcher les gaz. 50 km/h, vous êtes lâché, vous éclatez sur les vagues. Et au plus il y en a, au plus c'est bon. C'est vraiment kiffant comme truc au final. Hein. Au début, moi j'avais un petit peu peur, j'avoue. J'étais pas très serein avec le truc. À la fin aussi. Oui, à la fin aussi. Mais au final, maintenant, ça fait 3 semaines qu'on l'a fait. Quand tu y repenses, t'aimes bien. Ouais, au final, je me dis, je peux y retourner. Parce que j'aime bien au final. Parfait. Oui, je peux y retourner. Tu peux y retourner, mais tu regarderas. Ouais, exactement. Et donc, c'est un cadeau assez exceptionnel. Vous embarquez la personne de votre choix, puisqu'on a 2 places. À vous filer là tout de suite directement. En plus, vous rencontrerez les animateurs de Fun Radio, d'autres auditeurs de Fun Radio. Bien sûr. On fera une méga bamba, une méga fiesta là-bas. Il n'y a pas de raison. Sans alcool, évidemment, parce que la fête est plus folle. Comment on fait pour gagner ces 2 places? Il vous reste 5 minutes. Vous envoyez mer au 6322, MER au 6322 pour 1€ le message. Vous invitez la personne de votre choix, direction Zeebruges. C'est pour nous, c'est cadeau. Mais pour ça, il faut participer. Et dans 5 minutes, on aura l'occasion de vous offrir ces 2 premières.

not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Grande débarque sur Fun Radio. Dans quelques minutes, c'est le Fun Game avec Kaufman. On va parler de quoi, Kaufman ? De FIFA 17. Je suis revenu avec quelques infos exclusives à vous communiquer. Et là, c'est le moment de découvrir qui a gagné ses deux places pour aller au Wave Karting. Et j'accueille Igor qui est avec nous. Salut Igor ! Salut ! Ça va? Salut, bien Igor ? Salut Igor ! Ouais, ça va. Il est en pleine forme, Igor. Tu pensais que c'était un russe direct. Moi, tes parents sont russes, Igor ? Non. D'accord. Mais à mon avis, oui, mais ils sont cachés. Très bien, Igor. Dis-moi, Igor, t'as envoyé quoi à 6322 ? Mère. T'as envoyé mère. On vérifie, Igor. Attention. Bravo. Bravo, Igor. Tu repars avec deux places, c'est ça ? Deux places pour aller au Wave Karting à Zeebrugge. Tu vas emmener qui ? Ton papa, ta maman ? Tu vas emmener qui ? Ouais, mon papa peut-être. Ah, bah tu vas voir, vous allez vous éclater sur la mer. C'est entre le bateau et le jet ski. Vous serez nos invités pendant une journée complètement folle, complètement exceptionnelle. Une journée Fun Radio, quoi, en somme. Voilà, bravo Igor. Ouais, merci. N'a de rien, Igor, avec grand plaisir. Passe une bonne soirée. Merci. Bisous, bisous. Bisous. Ne raccroche surtout pas. On prend tes coordonnées en antenne. Ne raccroche surtout pas. Mais Kaufman, on a encore des places à gagner, non ? Ah bah on va remettre ça. On va remettre le couvert, comme dirait l'autre. Une fois deux places, donc deux entrées à remporter là avant 20h. Avant 20h, ouais. Mais avant 19h30, je peux même vous dire. Hein. Avant 19h30. Avant 19h30. T'es comme cadeau. Ça, toi. Ouais, allez, c'est cadeau. Vous envoyez mère au 6322 si vous avez envie d'aller vous éclater à Zeebrugge sur une toute nouvelle discipline. Hein. C'est unique en Belgique. C'est le wave karting. On vous fait gagner vos passes. Deux places, donc plus précisément. Vous envoyez mère au 6322. Ceux qui ont déjà participé, vous inquiétez pas. Hein, on garde vos participations. Vous avez envie de rejouer, soyez les bienvenus. Hein. On est là jusqu'à 20h. C'est que du fun. Très bien, fun game. William Kaufman, il est au taquet, il est prêt, il est chaud, c'est bon, il est bouillant. Oh, ça chauffe en dessous la casquette. Oh oui, c'est bon ça. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Et FIFA 17. Oui, attardons-nous sur un mode qui est très prisé, surtout pour les gens comme toi qui aiment bien jouer les coachs en herbe. Ah, j'adore ça. Le mode carrière d'EA Sport vous promet donc une gestion complète du club, que ce soit d'un point de vue des résultats sportifs, équilibre financier, les objectifs à court, moyen et long terme ponctueront la saison et seront répartis en 5 catégories, on le sait maintenant: succès national, succès continental, rayonnement de la marque. Ah, c'est de nouveau, c'est important. Ah, c'est sympa ça, ouais. Finance et centre de formation. Vous serez donc à la tête de tout le club. Fini le FIFA qui ne demandait que quelques aspects dans le mode carrière. Là, ça sera vraiment le directeur sportif, le directeur général, celui qui décide de tout. L'empereur! Est-ce que tu joues quand même quand t'es manager? Non, tu dois choisir. Ok, tu dois choisir des joueurs. Ouais. Okay. Ah, c'est pas mal ça comme truc, comme nouvel aspect. Ah, toi qui aimes bien Football Manager, ça devrait te plaire. Il copie un peu le même concept que Football Manager. Oui, sauf qu'il s'était lancé il y a très longtemps dans le fait de diriger un club, sauf que c'était aller financier, on recevait de l'argent, on signait des contrats avec les sponsors. C'était assez basique, on va dire. Là où Football Manager pousse la simulation jusqu'à plus soif. Et la FIFA 17 sort quand? Il sort fin septembre. Fin septembre, PS4, PC. PS4, PC, Xbox One. Ok, très bien, magnifique. Kaufman, merci pour ces infos. Tu peux rappeler juste qui a fait la jaquette déjà de FIFA 17? Ah oui. C'est l'allemand. C'est Marco Reus, c'est ça? Marco Reus, ouais. Effectivement, Marco Reus. Il y a Anthony Martial qui est toujours aussi le français, on va dire, sponsor FIFA, comme Eden Hazard. Ils sont toujours sponsors au final, non? Ah, t'as des infos que je n'ai pas. Non, mais je les vois souvent dans des vidéos FIFA, au final, j'ai l'impression qu'ils ont un sponsor entre eux. Ouais, ils ont sans doute des accords avec FIFA 17, mais si tu veux, j'enquête sur le sujet et je vous reviens demain avec des informations exclusives. Très bien. Merci Kaufman, c'est gentil. La suite du Sound Explore, ça se passe avec Ariana Grande. Là, c'est les meilleurs moments de l'Happy Hour avec Audrey. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Bon, toi déjà, c'était mon plus gros problème de la journée, mais Clark aussi, visiblement, il a un problème. Bonjour Clark. Il veut pas dire qu'il est Superman. Salut à tous. Comment ça va Clark? Tu viens d'où? Ça va bien, je viens de Liège. Tu viens de Liège. Mais arrête avec ça. Personne connaît en plus. Superman, c'est vieux. Un peu quand même, c'est connu Superman. Mais non, mais c'est vieux quoi. C'est un truc de. Clark Kent. Des années 80. Non, bah t'es au courant qu'ils en ont refait un l'année passée. Rien à foutre, c'est un truc de vieux. Audrey, comme... première sur le cinéma. Superman, il a l'âge de Derrick, plus ou moins, je crois, aujourd'hui. Il vole en fauteuil roulant, les gars. T'imagines comment il devient Superman quand il est vieux quoi. Ah, ben. Avec sa tribune. Le premier Superman a mal fini. Hein. Bon, Clark. Et sur ce, on aurait dû t'appeler, je sais pas moi, Robin ou. Non, pas Robin, Robin, non, pas Batman. Non, Stéphane ou Robert ou un truc comme ça. Il n'y a pas de super-héros qui s'appelle Robert. Maigret. Bon, Clark, si t'es là, c'est parce que t'as besoin d'un petit conseil de l'équipe. Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, tu vois, j'ai acheté une voiture il y a très peu de temps, tu vois. Ouais. Et le truc, c'est qu'elle tombe en ruine. Ah. J'ai fait le premier entretien et en fait, il faut carrément tout changer, quoi. Il y a les pistons, la pompe à injection, tu vois. Bah attends, tu l'as acheté. Clark, tu l'as acheté il y a combien de temps? Oh, il y a 5 mois. Il y a 5 mois. Il n'y a pas de garantie, mon Dieu. Et c'était avec un particulier? Ouais, c'était avec un particulier. Et Clark, t'as gardé le ticket ou pas, non? Remboursé, ouais. Remboursé, je ne suis pas content. T'as acheté donc ta voiture à un particulier il y a 5 mois et maintenant elle tombe en ruine. Mais genre, t'as pas checké un peu avant quand tu l'as acheté? Bah, je m'y connais pas trop, tu vois. De l'extérieur, elle était nickel, quoi. Belle peinture, bel intérieur, quoi. En fait, toi, t'as regardé que l'extérieur. C'est genre, c'était comme une meuf, Clark. Moi aussi, j'aurais fait ça. Je serais tombé dans le panneau, quoi. Mais le mec qui te l'a vendu, il savait que c'était une épave ou. Enfin, il t'a dit qu'il y avait des travaux ou il t'a dit. Bon, en fait, tu vois, il me l'a apporté directement chez moi, tu vois. En mode, elle est nickel, elle roule bien, tu vois. Ça pue, ça. D'accord. Ah, et tu l'as payé combien, Clark? Je l'ai payé 600 euros, tu vois. Ah ouais. Mais à 600 euros. Mais bon, ouais, c'est le prix d'un vélo, ça, Clark. 600 euros, il fallait pas t'attendre à. C'est le prix d'un vélo, il est. Clark, t'as le volant ou pas sur la voiture? Ouais, j'ai le volant. Bon, ça me rassure, déjà. Le volant Alcantara, tu vois. Ah ouais, c'est classe. Okay. Non, c'est particulier. Classe, ouais. Non, mais oui, mais comment tu veux qu'on t'aide? Tu veux qu'on t'achète un vélo? Ouais, ce serait déjà un premier pas. Tu vois. Comment en fait, n'empêche, quand tu te fais arnaquer comme ça par un gars qui te vend une bagnole, bah, tu peux pas aller réclamer si. T'as pas rappelé le type en disant écoute, ça roule pas ton truc, récupère la bagnole. Ouais, t'as appelé l'argent. Le gars ou pas? Ouais, j'ai appelé le gars, mais il répond plus. Hein. Ça, c'est ouf, ça, sérieux. Non, mais il doit y avoir un truc, non? Je sais pas, y a mais pas c'est... une association des. Mais c'est un particulier, genre toi ou moi, ou alors c'est vraiment un garagiste? Ah bah, c'est un particulier, lui, qu'il est con, celui-là. C'est toi ou moi? Voilà. C'est... ta question, enfin, ta réponse est dans la question. Non, j'avais fait la différence entre un particulier et un concessionnaire. Ouais, fais dodo. Pousse indien, fais dodo. Non, mais, attends, hein? Clark, je sais pas, c'est dans un indien dans la ville, laisse tomber. Okay. Clark, je sais pas comment on doit faire dans ces cas-là, je vais demander aux auditeurs, peut-être il y en a, ils ont déjà eu le coup, j'en sais rien. Est-ce que vous avez déjà été arnaqué par un gars qui vous a vendu quelque chose qui était pas vraiment tout à fait dans un bon état? Comment on fait dans ces cas-là? 30-44 pour vos petits messages. À part lui casser la gueule. Je veux des solutions faisables, hein, pas des trucs violents, les gars. Je sais pas s'il faut faire appel à un avocat ou si vous connaissez un bon plan, j'en sais rien. Il faut essayer d'aider Clark dans cette émission. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Dance Floor, c'est un duo Calvin Harris et Rihanna. Et ce soir, on a un invité exceptionnel. C'est Yuning qui est avec nous. Yuning Kaufman. Oui. Tu vas pouvoir l'accueillir, lui poser plein de questions. Laurence aussi, pareil. Oui. Vous êtes prêts? Vous avez posé des questions et tout? Vous avez écrit? On les a préparés, oui. Oui, ah, c'est bien. J'ai une question. Ah, dis-moi. D'abord à te poser à toi. Vas-y, à moi, ok, très bien. Avec ton niveau d'anglais. Oui. On est d'accord que c'est moi qui vous pose les questions. Elle parle anglais? Bah oui. Ah. Effectivement, on a un léger souci. Effectivement, tu vas faire traducteur, Kaufman. Ça gêne pas, ça te va? Bah écoute, oui, oui, moi ça me va. Mais c'est vrai qu'on aura la chance dans quelques minutes là d'accueillir Unique. Ouais. Elle, c'est une star en devenir. Hein. On va pas se le cacher. Elle est souvent comparée à Rihanna. Elle était deuxième en mars dans le top iTunes. C'est déjà une référence qu'on joue souvent. Écoutez plutôt, ça doit vous dire quelque chose. Vous avez envie de lui poser des questions personnelles, intimes, allez-y, lâchez-vous, 3044, on se fera porte-voix de ce que vous avez envie de lui demander. Posez vos questions, toutes vos questions au 3044, on compte sur vous, elle sera là dans quelques minutes en direct sur Fun Radio. Et puis oui, on lui demandera un petit peu quels sont ses plans. Okay. Et puis en plus, elle nous l'a promis, maintenant je sais pas si elle va le faire, hein, mais elle nous l'a promis. Dis-moi. Apparemment, ça serait pas un live qu'elle va faire, donc c'est pas juste le tube Merci qu'elle va faire, mais elle va peut-être nous faire son premier morceau également. Ah, deux lives, elle va faire deux lives en direct. Elle va faire probablement deux lives. J'ai eu l'attaché de presse qui me dit, écoute, elle est formidable, elle a peut-être envie de vous faire plaisir. J'ai dit, quoi, on va coucher? Non, non, non, elle va chanter. C'est magnifique que ça arrive dans quelques minutes, ne bougez surtout pas. Unique sera avec nous dans quelques minutes pour poser vos questions. Ça se passe au 30, 44, 50 centimes par message. J'ai également le chiffre du jour, Laurence. Oui, les femmes passent 136 jours à le faire et les hommes que 46. À votre avis, quoi? La réponse dans un instant. Très bien, il y a également encore deux places pour aller faire du wave karting, Kaufman. Ah ouais, le beau temps de septembre, vous avez envie d'en profiter dans un cadre plutôt magnifique. Eh bien, on vous invite à Zeebruges avec le wave karting, c'est-à-dire une discipline qui vous permet de vous éclater sur une espèce de scooter karting des mers, vous l'appelez comme vous voulez. Vous foncerez à peu près à 50 km/h, vous surferez les vagues, parce que c'est comme ça qu'on fait, et vous serez évidemment encadré de plusieurs moniteurs histoire d'assurer votre sécurité, de vous briefer avant. C'est un peu comme quand tu entres dans un avion finalement. Il n'y a aucun risque, on est d'accord. Il n'y a vraiment aucun risque. Okay. Oh, on donne les gilets de sauvetage. Hein. Ça, on ne va pas se la jouer à Titanic. Non, bien pas. Sûr. Mais il n'y a aucun blessé, aucun risque. Non, voilà. pas du tout. N'ayez pas peur. Hein. C'est juste fun, c'est parfois impressionnant aussi parce qu'on va vite, mais il y a des flotteurs, c'est beaucoup plus stable qu'un jet ski par bien exemple. Bien sûr, ah, oui, c'est nous, comme un bateau. Tombés. On n'est pas tombé. Non, non, du tout. On est des bras cassés quand même. Donc, oui, quand même. On aurait pu tomber. Mais non, c'est entre un mélange entre un bateau et un jet ski, donc vous risquez vraiment rien. Non, c'est vrai. En plus, on était, si je me souviens bien, avec l'équipe de Summer Fun. Ouais. Et eux aussi, ils ne sont pas blessés. Donc, miracle! C'est dire quand même. Il n'y a eu aucun blessé, aucun mort. Et donc, plus sérieusement, c'est vraiment une journée de fun qu'on vous propose à Zeebruges pour faire du wave karting. Vous avez envie de remporter vos deux invitations à venir nous rejoindre à Zeebruges. C'est au 63-22 qu'il va falloir jouer. Vous nous envoyez trois lettres hein, cette semaine. Ouais. La semaine dernière, c'était deux lettres. Cette semaine, c'est trois lettres. M-E-R, mer, au 63-22 pour 1€ le message. On vous file vos deux invitations pour aller vous éclater avec nous au wave karting à Zeebruges. Envoyez mer au 63-22, c'est 1€ par message. Il y aura un gagnant d'ici un bon quart d'heure. Allez, un quart d'heure pour dire le prochain gagnant. Vous envoyez mer, M-E-R, au 63-22. C'est 1€ par message. Allez, 19h, c'est l'heure des infos. Fun Radio. Fun. Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Salut David. Salut à tous. À New York, les enquêteurs cherchent toujours à établir le mobile d'un homme en fuite après avoir abattu en plein jour d'une balle dans la tête un imam et son adjoint, originaire du Bangladesh. Un portrait robot du tueur présumé a été diffusé. Un homme portant une barbe, des lunettes et de courts cheveux bruns. On ignore les motifs de ce double crime, mais pour la communauté musulmane, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est l'islamophobie qui est à pointer du doigt. Et puis Donald Trump aussi. Trump qui souffle sur les braises en s'en prenant régulièrement aux musulmans. À 18h, je vous parlais des inondations en Louisiane qui ont fait 5 morts alors que 20 000 personnes ont dû être secourues. Et la Louisiane sous les eaux, bah, ça fait évidemment penser à l'ouragan Katrina en 2005. Et bien à propos d'anciennes catastrophes, figurez-vous qu'on a eu droit aujourd'hui à un tremblement de terre au Japon au large de Fukushima. Là où une centrale nucléaire a subi de gros dégâts en 2011, dégâts qu'on mettra encore beaucoup de temps à réparer, hein, mais cette fois, rien à voir avec la tragédie d'il y a 5 ans. Le séisme n'était que d'une magnitude de 5,6, et pas question bien sûr de tsunami. Le Japon est situé à la jonction de pas moins de 4 plaques tectoniques et subit chaque année plus de 20% des secousses les plus fortes enregistrées dans le monde. Et c'est dans un tel pays donc qu'on a construit 54 réacteurs nucléaires. On connaissait la roulette russe, ben là on a droit à la variante nippone. Et puis toujours à propos du Japon et toujours à propos nucléaire, c'est aujourd'hui que l'archipel commémore la fin de la guerre du Pacifique, puisque c'est le 15 août 1945 que l'empereur Hirohito annonçait la capitulation sans condition du pays. Alors quel rapport avec le nucléaire? Ben disons que si Hiroshima et Nagasaki n'avaient pas été détruits à coups de bombes atomiques quelques jours plus tôt, la Seconde Guerre mondiale se serait sans doute terminée quelques mois plus tard. Bref, lors d'une cérémonie à Tokyo, l'actuel empereur nippon, le fils de l'autre, a une nouvelle fois exprimé de profonds remords vis-à-vis des méfaits commis par les Japonais pendant ce conflit, souhaitant sincèrement que jamais, je cite, ne se répètent les ravages de la guerre. Notez que les remords, il n'y en a jamais eu du côté américain avec les bombes nucléaires, et ce n'est plus aujourd'hui qu'il faut en attendre. En sport, j'ai beaucoup parlé des Jeux Olympiques dans les flashs précédents, mais il ne faut pas oublier la troisième journée du championnat de football, au terme de laquelle il n'y a plus qu'une seule équipe comptant le maximum de points, et c'est peut-être pas celle à laquelle on aurait songé tout de suite, hein, c'est qu'Anderlecht a dû se contenter d'un nul blanc à Saint-Tron, et Charleroi a fait match nul aussi, à domicile, contre la Gantoise. Reste donc Zulte Waregem, vainqueur du Standard 1-0, et seul en tête donc, devant Anderlecht et Charleroi, le Standard reculant à la 7e place. En bas de classement, signalons la première victoire de peine en déplacement à Westerlo. Par contre, Moucron attend toujours non seulement sa première victoire, mais son premier point. Moucron battu à Ostende de buts à 1. Dans quelques minutes, Tunic sera avec nous. Il y aura aussi le chiffre du jour. Mais là, on fait un point sur la météo. Quel temps pour demain, Carlo? Et encore une journée agréable demain, un petit peu conforme à celle d'aujourd'hui. Mercredi s'annonce très bien aussi. Voilà, tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain à midi et vous laisse en compagnie de David et du son de Calvin Harris et Rihanna. Salut. Fun Radio. Retrouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. L'émission qui fait daber entre 17h et 20h, c'est que du fun sur Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. is what you came for. Lightning strikes every time she moves. La suite de son dance floor, ça se passe avec Soprano. Pour le job, ça pille plus en panne. Dans quelques minutes, Unique sera avec nous et on vous offrira également deux places pour aller faire du wave karting. Mais là, c'est le chiffre du jour avec Laurence. Alors oui, à votre avis, que font les femmes pendant 136 jours de leur vie et les hommes que 46? 136 jours pour les femmes et 46 pour les hommes. Pour les hommes, ouais. C'est bien ça, je sais pas. On commence par quoi? Par les 136? Bah non, c'est la même chose, hein, c'est ça? Oui, ça concerne le même fait en fait. Ah, ça concerne d'accord. Le même fait. Ouais. Très bien, moi j'irai à l'eau aux toilettes. Non. Les femmes vont beaucoup plus aux toilettes que les hommes, je pense, non? En tout cas, ça est presque 4 fois moins. Ouais, c'est quand même énorme. Hein, ouais, c'est truc. Ça. 4 fois moins. Est-ce que. Préparer à manger, par exemple? Ah oui. Non. Regarder des séries? Non. Faire le ménage? Ah, j'allais dire faire le ménage. Ah, les clichés, quoi. Non, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est cliché le truc. Dis-moi. Je te le dis. Ouais, c'est quoi la réponse? Tu veux savoir? Ouais, je veux savoir. Bah, c'est se préparer en fait, tout simplement. Ah, se préparer. Ah oui, c'est vrai que les garçons, nous, on s'en fout un peu, hein. Ah oui. Bah oui, se préparer. 136 jours. Ouais. Donc ça veut dire que un jour sur trois, ta femme est pas disponible. Elle est en train de se préparer. C'est par vie, hein. C'est ouais, pas ça. C'est par ah, c'est vie. Par vie. J'ai eu c'est peur. Par c'est par pas par an. Hein. Je me dis merde, par an. T'es au boulot, chérie? Non, je suis en train de me préparer. C'est impossible sinon. Mais donc les femmes, elles passent en fait 3276 heures de leur vie à se préparer. Vous les garçons, c'est que 46 jours. Mais bon, à pas se mentir, nous niveau coiffure, il y a de la galère. Niveau maquillage, il y a de la galère. Niveau habit, il y a de la galère. Donc c'est pas très équitable tout ça. Mais après, moi je tiens quand même à dire bravo à vous, parce que vous nous attendez quand même patiemment ou presque quand on se prépare. Oh, c'est long. Vous êtes gentil et vous êtes voilà. Je vous remercie pour ça en tout cas. C'est gentil, merci beaucoup. Kaufman, c'est long hein, quand on attend comme ça. Hein. Ah oui, bah oui, c'est tenir, c'est attendre ou lui, se pendre. Il attend de finir un jeu vidéo. Hein, j'allais dire, moi je joue donc je vois pas le temps passer. Donc ça va. Allez, il vous reste moins de 5 minutes pour gagner 2 places pour aller faire du wave karting. Ah bah je pense que ces 5 minutes là, il va falloir les utiliser pour nous envoyer un message. Ce message est le suivant, MER, M-E-R. Vous envoyez le tout à notre serveur de jeu au 6322 pour 1€ le message. Et là, comme on est le 15 août, que les gens sont un peu plus relax, eh bien, peut-être que vous allez saisir votre chance de partir avec nous à Zeebruges. Vous éclatez une journée entière sur du wave karting. Faire du wave karting, c'est franchement une discipline que vous n'allez pas oublier de sitôt. C'est franchement s'éclater sur la mer. Hein. Il n'y a rien d'autre à dire. Entre le jet ski et le bateau, un engin assez hybride qui vous permettra de naviguer à plus de 50 km/h. Et quand je dis naviguer, c'est franchement de la glisse. De glisser c'est vraiment à 50 km/h. Avec le soleil en plus, c'est vraiment agréable de le faire avec ce temps-là. Coup de soleil, hein. Nous qu'on a été, j'ai eu coup de soleil sur coup de soleil. C'est ça, vous envoyez MER, M-E-R au 6322. Je prends un gagnant juste après Soprano. Donc allez-y, envoyez MER, M-E-R au 6322. Le gagnant après Soprano. Le diable ne s'habille plus en Prada sur Fun Radio. Monsieur, avant ma chute j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada.

La suite du son dance floor, ça se passe avec Drake. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. C'est le moment de découvrir qui a gagné ces deux places pour aller faire du wave karting. J'accueille Olivier qui est avec nous. Salut Olivier. Comment va tout le monde? Bon, bah, ça va bien. Tout le monde va bien et toi tout seul, ça va? Ouais, ça va, ça marche. Il est en pleine forme, Olivier. Dis-moi, t'as envoyé quoi au 6322, Olivier? J'ai envoyé Mer, M-E-R. Ok, parfait. Il l'appelle en plus. C'est bien. Très sympa ce petit Oli. Allez, on vérifie. Bravo. Bien joué, Olivier. Tu repars avec deux places pour aller t'amuser à la mer, hein? Ouais, tu vas venir faire du wave karting avec nous. Tu sais déjà qui tu vas amener avec toi? Ouais, je sais déjà qui je vais amener avec moi, ouais. Bah dis-nous, hein, si je te le demande en même temps. Ah, je vais amener un ami qui s'appelle Loïc. D'accord, ah, mais je le connais aussi, il est sympa, t'inquiète. Très bien, bravo à toi, ça Olivier. Vous savez bien conduire au moins? Mais bien sûr qu'on sait conduire, il nous comporte lui. Ne parle pas trop, mon garçon. Il nous défie, lui, en plus. Rendez-vous dans quelques jours, alors, Olivier. Ça va? On prend tes coordonnées en antenne. Bisous, bisous. Passez une bonne soirée, Olivier. Bisous, bisous, Olivier. Pour la suite, ça se passe avec Yuni qui est avec nous. Attends, elle est là. Attends. Je la vois. Elle vient d'arriver. Oui, je sais, oui, j'ai vu. Elle est belle, hein. Lunettes de soleil. Elle est là pour chanter deux morceaux en live. Oh, carrément. Elle m'a dit, tu peux me poser. You can ask me all the questions you want. Elle m'a dit, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Ah, carrément, sympa ça. Je lui ai demandé, tu fais quoi ce soir? Elle m'a dit, nada. Pour ceux qui connaissent pas Yuni, Yuni, c'est ça. Party, all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Elle est avec nous juste après ça sur Fun Radio. Party all night, all summer. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing club. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Think about you every day. Try so hard to live without, but no, no mas. Sunshine is shining far away. Bird's eyes is looking out, and they can see that you're mine. 'Cause when we're together, your love is controlling my brain. Like plunging inside of that fire I cannot contain. Our love is like a set sail out on an ocean wave, 'cause our love is like a heat wave. Burning through the evening rain. Set sail on an ocean wave. 'Cause our love is like a heat wave. Want to, I'll wash up at your door. I know at times we break the rule. Temperatures rise when I'm with you. Our love is like a heat wave. It's burning through the evening rain.

the bitches. Lift them drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from my fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. Aujourd'hui dans C'est que du fun, on reçoit une invitée exceptionnelle, c'est Yunick qui est avec nous. Bonjour Yunick, ça va? Hi, how are you? Hi fan, thank you. I speak good English. Kaufman, no, no. Tu vas te charger la traduction. He doesn't speak English at all, so I will translate everything, don't worry. Elle te dit bonjour. Ah bonjour, bonjour. Pour Yunick, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Party, all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Et Yunick, c'est un nom de chanteuse assez original. Ça vient d'où? Kaufman, traduction. The name Yunick is very original. Where the name comes from? Well, simply because as human beings, we are all unique. Okay. Everyone has something, that one thing that the other person doesn't have. And I also want to... I want to provoke that in people, like, it doesn't matter that you're different, just be yourself. Ok, elle dit qu'en fait, chaque personne humaine a quelque chose d'unique en soi, et qu'au contraire, elle aime bien provoquer ce sentiment, et que voilà, il faut être, faut assumer comme on est chacun unique, et donc, de là vient son nom. C'est magnifique. Yannick, je te laisse avec les questions de Kaufman et Laurence, mes co-animateurs. On commence par Kaufman, une question. Bah, j'ai d'abord commencé par sa bio. Ok, très bien, la bio, vas-y. Bah oui, Yannick est une chanteuse originaire de Gand. You come from Ghent. Yes, I do. Yeah, en Belgique, donc, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle cultive un gros mystère autour de sa personnalité. C'est en novembre 2014 que Yunick débarque pour la première fois sur les ondes avec le morceau Put It On. Inconnue avant, elle est pourtant immédiatement comparée à des grandes stars comme Rihanna. Elle offre un son pop et une identité visuelle ultra développée comme les grandes chanteuses américaines savent le faire. Sa force est aussi qu'elle chante en français et en anglais. Ouais. C'est bien quand même ça. Ah, le CV est déjà rempli alors qu'elle a oublié sa carrière. C'est ça. Une question, Kaufman? Oui, elle a une personnalité affirmée, une élégance décalée. Elle vit sa musique comme elle mène sa vie, intense, intuitive et passionnée. You have a strong personality, you are elegant, you live your life as you live the music. Intense, intuitive and passionate. Do you agree with this? Yeah, of course I do. Otherwise, it wouldn't be written. Ok, bah elle a dit qu'elle était d'accord avec mon affirmation, c'est que j'ai bien fait mon boulot. C'est déjà bien, c'est un premier bon contact entre vous. Laurence, une question. Bah Yunick, c'est quoi à l'heure actuelle ton futuring, le futuring de tes rêves, tout simplement? What's the best futuring you could do at this moment with star or which singer? There's a lot of people I want to work with, but definitely someone I have in mind is Kendrick Lamar or J. Cole. Wow. Bah, elle a beaucoup de personnes en tête, mais les deux personnes, c'est Lamar et c'est... Kendrick Lamar et J. Cole. Voilà. Et J. Cole, ah ok. Those two are my favorite rappers. Ouais, ok. Et c'est deux rappeurs préférés pour l'instant. Et moi? And me? Featuring? Well, let me hear what you got. Merci. Allez, dans quelques minutes, Yannick va faire deux lives avec nous. On a encore plein de questions à lui poser. Ça se passe juste après Dua Lipa sur Fun Radio. He calls me the devil, I make him wanna sin. Every time I knock, he can't help but let me in. Must be homesick for the real, I'm the realest it gets. He probably still adore me, with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. The darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'm giving you the pleasure of heaven, and I'll give it to you hotter than hell. matter from heaven. We all gotta get fed. Can't let me know I'm on tape. Can't let me in your head. I'm not here to make a deal, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Now I finish with you, yeah. No, can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. It's the darkest side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell, so burn when I'm not. Then you're by yourself. I'm the answer. Sur Fun Radio. Unique est avec nous jusqu'à 20h. Elle nous a prévu des lives, c'est à découvrir dans quelques minutes. Mais Unique, j'ai encore des questions pour toi. Étant jeune, tu as écouté beaucoup de chansons françaises. C'est qui tes références? Kaufman, traduction. When you was young, you have heard a lot of French music. What are the references in the French music? From French music or just music in general? Elle demande de préciser, dans la musique en général ou juste la musique française? En général. In general, I'm very inspired by Whitney Houston, Michael Jackson, Amy Winehouse, and those are actually the people I really look up to, like vocally, how they entertain us. Amy Winehouse, how she writes her music. So Those are my three big references. Whitney Houston, elle a dit que encore Michael Jackson, c'est surtout les vocales, c'est ces artistes qui l'ont inspiré et c'est un peu la sensibilité qu'elle développe. Et aujourd'hui, tu écoutes quoi comme musique? And today what are you listening to? Which music? I listen to almost everything. Et elle écoute presque tout. Yeah. Ah, OK, sympa. I'm very wide and I also think that you can find that in my music, like the difference between Put It On and Mercy. Mm-hmm. It's like two very different songs, and it's because my influences are very wide. Elle écoute de tout, elle a vraiment une influence très large et d'ailleurs ça se retrouve dans sa musique à elle quand on compare le premier simple Turn It On et Mercy, c'est déjà deux choses très différentes, elle est ouverte à toutes les sortes de musique. Kaufman, Laurence, vous avez encore des questions à poser? Oui. Kaufman, bien question. Sûr, la version urbaine de Mercy Shaggy lui permet d'atteindre la deuxième place des ventes sur iTunes en mars 2016. On se demande comment on sent à ce moment-là. The urban version of Mercy with Shaggy let you reach the second place on iTunes. What's the feeling when you are singing on such a platform? Well, at first you don't believe it. Yeah. And then you're just really happy and excited. And it's, I think, to every artist, we do this because we try to be the best at what we do. And to have that confirmation, like you're on the good way, it's awesome. It's Au début, en fait, on n'y croit pas du tout. Au début, on se demande un peu ce qui se passe. Et puis, on réalise que, en fait, cette deuxième place indique qu'on est sur la bonne voie et que c'est une confirmation qu'on fait du bon travail. Très bien, Laurence, une question? Mais tout simplement, comment tes proches, en fait, ils vivent le succès, tes amis, ta famille, tout ça? How do your family react to your success? I try to keep my family very private from my work, but they are really happy for me and they support me and in what I do. Elle essaie de séparer les deux mondes, donc elle essaie de tenir sa famille éloignée de ce succès, mais évidemment, ils sont très très très contentes de ce qui très contentes de ce qui lui arrive. Est-ce qu'elle arrive encore à avoir une vie normale comme tout le monde? Could you have a normal life with such a success? Of course. Bien sûr. I will always try to be real and down to earth, you know. Elle a toujours les pieds sur terre et voilà, elle vit une vie normale apparemment. Ok, c'est quoi ses passions, ses hobbies, cinéma, sport? I don't know what normal is for you, but you know. Elle dit qu'elle sait pas ce que c'est normal pour toi, mais c'est vrai qu'en te regardant, on peut se poser. C'est vrai. Mais c'est quoi alors une journée normale type unique? What's a typical day for you? I wake up, I do my vocal warmings. Either I start writing music or I just it depends. Or I go to the gym and I work out and I work on my lives and stuff. How do I want to look? You know, all okay. That stuff. Or I go to the studio and I just make music and just develop myself. That's what I do. Bah, elle a pas une journée comme nous quand même. Hein, mais elle se lève, elle ouais. Fait ses vocales, elle travaille sa voix. Et puis soit elle va à la gym histoire d'entretenir sa forme, soit elle va en studio pour enregistrer, pour aussi travailler sa voix. Ok, parfait. Yannick, tu es prête pour le live de Mercy? Yeah, sure. Yes. Do we do that here? Je comprends pas moi. Est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait ça ici? On fait ça ici, oui. Ok. Ça let's va? Go. Tu veux faire ça où chez moi? You want to do this to his place? No, thank you. On t'a dit nous merci, mais de façon très élégante. C'est gentil, merci. Allez, le live de Mercy avec Unix, c'est maintenant. C'est que du fun. Have mercy, mercy, mercy. The money, them and a party, party, party. The all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me wantsy, wantsy, wantsy. Only he can make me a yabre, a yabre, a yabre. Fire, bang, bang dans le cœur des uns. J'aime quand tu lis entre mes lignes. Pas que tu touches, mais que tu m'imagines. No, je chlala entre toutes tes belles paroles. Je laisse tes mythos sur le bas-côté. Pas besoin d'un homme pour exister. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh, oh, oh, ah, ah, ah. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. The money, them and a party, party, party. The all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me.

What are your projects for the future? I want to give people music and an album coming soon. Ah, elle dit qu'elle veut encore évidemment faire vibrer les gens au son de sa musique. Et l'info intéressante, c'est que l'album va bientôt arriver. Ah. Quand ça? Well. I don't know, you have to wait and see. On va attendre et regarder un petit peu ce qui se passe. On va attendre alors. Laurent, c'est une question. Mais quelle célébrité en fait t'as pu côtoyer maintenant que t'es un peu plus célèbre quand même? Which celebrity could you meet with your success? I don't like to talk about that. Like, I just privacy. I meet people, okay. But I want to keep that. Ok, elle préfère like garder that. Ça pour elle, c'est sa petite vie, et qu'on doit pas l'ennuyer de trop là-dessus. Donc maintenant, t'as l'air de l'emmerder, ok. Kaufman, une question. Yeah, a lot of articles are talking about you as Rihanna. A lot of comparison. How do you live with that? Il y a beaucoup d'articles qui la comparent à Rihanna. Ouais. Et je lui demande comment elle vit ça. I try not to pay attention to it because at the end of the day, in the beginning, everybody is looking for a resemblance between you and other artists that already have a big career. But I think my path will be clear once I develop my career more. Then they will start to notice, okay, she's really different. This is how her personality is. And also my music, the way I dress, the way I look, you know? Ok. Elle dit que c'est normal qu'au départ, tout le monde la compare. On compare toujours, en fait, à des artistes existants. Mais au fur et à mesure qu'elle va se développer, qu'elle va développer sa musique, eh ben, les gens verront à peu près, un peu plus même, qui elle est, en fait. Très bien. Unique, on est prêt. Deuxième live de Unique en direct sur Fun Radio. C'est bon? It's good? It's alright. It's alright. Eh? J'adore, ouais. On s'entend bien déjà, je sais pas mal. Putty Dance, c'est le titre qu'elle va interpréter maintenant sur Fun Radio. Live on Fun Radio. Alright, alright. Il suffit d'un regard pour se trouver. Une seconde, un instant, un milliard de pensées. Il suffirait d'un rien pour deviner. Une envie, un moment. Le temps nous rattrape. Tout s'évapore dans l'air sans jamais cesser de planer. Aux frontières du désir, tous les sens nous échappent. Loin de toi, loin de moi. You know how to put it on, how to put it on me, oh. You know how to put it on. You know how to put it on, how to put it on me. You know how to put it on. Il suffit d'une idée pour tout changer. Si j'ai de l'or entre les doigts, je le ferai. Il suffirait d'une nuit pour achever tout ce qu'il y a au fond de moi. Le temps nous rattrape. Tout s'évapore dans l'air sans jamais cesser de planer. Aux frontières du désir, tous les sens nous échappent. Loin de toi, loin de moi. You know how to put it on, how to put it on me, oh. You know. You know how to put it on, how to put it on me. You know how to put it on. Now baby listen, you know that ignorance is blissing. Like how you could have had it but you missed it. Gave you my all and a cup of gold and you spilled it. Gave you my heart on a silver platter and you ripped it. Now I'm over it, sober, they can't deny that we all went through it. And my heart is close to the man, it's man enough to prove it, approve it. Cause when I hit you back you won't be able to abuse it. You know how to put it on, how to put it on me. You know how to put it on. Alright. You know how to put it on. Alright. How to put it on me, baby. You know how to put it on me, baby. Put it on me, baby. Put it on me, baby. You know how to put it on me, baby. Put it on me, baby. Bravo! Bravo. Thanks, guys. Yannick, une dernière question. Il y a quelque chose qui m'intrigue chez toi. Tu chantes très bien en français, mais tu ne parles pas français. I get coaches. Ah, elle a compris la question, elle dit qu'elle a eu des coachs pour se faire. Mais ouais, mais c'est même assez impressionnant parce que le français il est parfait dans la chanson. Et pourtant... I already had this question like tons of times. Okay, that's why I didn't ask anything, but I everybody always asks me this question. Well, it's because I get coached and not only that, but I'm learning French. Voilà, elle dit qu'on lui a posé 10 000 fois la question. Ouais. C'est pas bien pour toi, ça. Mais qu'elle a été coachée et qu'elle a appris le. Like, there's someone with me in the studio who like gets my intonation right and who repeats with me word after word. En fait, so that you don't hear an accent. Okay. Because I think it's ugly when you hear an accent. En fait, elle dit qu'on lui a appris et qu'elle était avec quelqu'un, un coach en studio, qui lui faisait répéter et qui lui faisait reprendre les tonalités, comme ça, elle ne se trompait pas. Voilà. Mais c'est très très fort quand même. Hein. Ouais, bravo. C'est énorme. Bravo, bravo, parce que c'est vraiment énorme. Thank you. I'm doing my best. And I tell him that I'm learning French, so I hope the next time I will be able to communicate. Elle dit qu'elle étudie le français, pas pour pouvoir parler avec toi, mais pour pouvoir communiquer avec nous. Merci, ça me fait plaisir, Annie. Merci en tout cas d'être avec nous. Un grand merci d'être venu. C'est thank vraiment merci. Très, très, très gentil. Thank you very much. Nous, on se retrouve demain à 17h. À 20h, c'est Party Fun qui prend le relais. Bonne soirée tout le monde. Salut, salut, ciao. Bye, ciao, bye. Ciao. Bye. Fun Radio est sur Twitter. Je suis Fun Radio sur Twitter. Toute la journée, vous tweetez, retweetez votre radio préférée. Je follow Fun Radio sur Twitter. Rejoignez les milliers de connectés Fun Radio. Suivez Fun Radio sur Twitter.